Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Laisse-moi t'aider, Lisbeth. On peut résoudre tout ça. Tu comprends pas que pour moi c'est foutu. Déjà, quand j'avais 13 ans, c'était foutu. Alors, Miguel, j'ai peur. Si elle s'est mis en tête de retrouver ce monstre, Niederman, il la tuera. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. Miguel, c'est Malou. Paolo Roberto a identifié le géant blond. Ronald Niederman. C'est lui qui a enlevé et massacré Myriam. Miguel. Merci d'avoir été mon ami. C'est pas vrai. C'est quoi ce message d'adieu à la con? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu connais tous mes secrets maintenant. Mon Dieu, Lisbeth, pourquoi tu m'as rien dit? Je comprends tout maintenant. Toute l'histoire. 14e épisode. Allô? Michael, c'est Malou. On connaît l'identité du géant blond. Il s'appelle Ronald Niederman. Il n'est pas dans l'annuaire ni dans les registres de l'état civil, mais je crois qu'on tient une piste. Dis-moi. On a fini par trouver son nom dans l'organigramme d'une société qui s'appelle KAB Import SA. Elle fait de l'importation de matériel électronique. On a seulement une boîte postale à Göteborg comme adresse. Niederman apparaît comme membre de la direction et représentant de l'entreprise sur le marché allemand. Il est né le 18 janvier 1970 et le président, lui, s'appelle Karl Axel Bodin, d'où le nom KAB. Il est né en 41. Une boîte postale, c'est tout. C'est louche. Évidemment. Et en plus, KAB Import SA est resté en veille pratiquement depuis sa création. Super, Malou, super. Mais si on n'a qu'une boîte postale, ça va être difficile. Attends, j'ai pas fini. J'ai trouvé l'adresse personnelle de Karl Axel Bodin. Boîte aux lettres numéro 612 à Gosseberga, dans l'ouest du pays. J'ai vérifié, ça a l'air de correspondre à un domaine agricole près de Nossebrau, au nord-est de Göteborg. Tu t'es renseigné sur ce type? Pas de casier judiciaire. Une licence d'armes pour une carabine de chasse et un fusil à plomb. Il a deux voitures, une Ford et une Saab, des modèles anciens. Il ne doit rien aux impôts, il est célibataire et agriculteur. Bref, un type sans histoire, quoi. Apparemment. Au fait, Dragan Armansky de Milton Security a essayé de te joindre plusieurs fois dans la journée. Je vais le rappeler. Merci, Malou. Michael, est-ce que tout va bien? Non. Tout ne va pas bien. Je te rappellerai. Pierre Poisson l'a connue. Fait de l'équation d'identité. On dit que la racine satisfait de A plus B au carré est égale à A au carré plus 2 AB plus B au carré. 2 heures déjà que je surveille la poste. A plus B au carré. Jamais tu viens relever ton courrier. Quand une équation est satisfaite par toutes les valeurs imaginaires de l'A au carré est égale à A au carré. Excusez-moi, vous reprenez quelque chose? Non, merci. Te voilà. J'y croyais plus. C'est parti. Bonne journée. Tiens, un revenant. On se demandait tous où t'étais passé. J'ai fait un voyage dans le temps. Et j'ai plein de choses à te raconter. Sala. S'appelle en fait Salatchenko. C'est un ancien espion soviétique qui a déserté en 76. Il a eu un permis de séjour en Suède et il s'est mis à travailler pour le compte de la CEPO. Après la chute de l'URSS, il s'est reconverti dans des activités criminelles. Trafic d'armes, drogue et prostitution. Plus rien ne me surprend dans cette histoire, même pas de voir le KGB faire irruption. Pas le KGB, la GRU, le bureau de renseignement militaire, Et tu penses que c'est lui qui a tué Dag et Mia ? Pas personnellement. Il a envoyé quelqu'un. Sûrement ce Ronald Niedermann que Malou a déniché. Tu as des preuves ? Il reste quelques zones d'ombre. Ce que je sais, c'est que Burman a été tué pour avoir demandé de l'aide à Salatchenko pour s'occuper de Lisbeth. De l'aide ? Mais pourquoi ? Burman était une ordure. Il a violé Lisbeth. Mais Lisbeth a réussi à filmer la scène avec une caméra cachée. J'ai le film. C'est terrifiant. À partir de là, Lisbeth le tenait par les couilles et Burman voulait la faire disparaître. Quelle horreur. Mais comment Burman connaissait Salachenko ? Burman a travaillé à la CEPO. Maintenant, accroche-toi. Salachenko est le père de Lisbeth. Une ordure qui battait et violait sa femme. Lisbeth a essayé de tuer son propre père pour sauver sa mère. L'existence de Salachenko était secrète. En essayant de tuer son père, Lisbeth a failli révéler son existence. Elle est devenue une menace pour la police secrète. D'où son internement en asile psychiatrique. Mais j'arrive pas à y croire. On est en Suède. C'est pourtant ce qui s'est passé. Et Dag et Mia, pourquoi ils ont été tués ? Parce que Dag avait trouvé le lien entre Burman et Salachenko. Michael, il faut appeler la police. Non, pas tout de suite. Écoute-moi, Erika. Je pense que Lisbeth est partie à Gosseberga sur la piste de Niedermann pour retrouver son père. Si on prévient la police, ils vont débarquer là-bas avec des forces d'intervention. Lisbeth est encore soupçonnée de 3 meurtres. Elle résistera et ça risque de très mal se finir. Il faut tenir la police à l'écart encore un peu. Je n'aime pas la façon dont les choses sont en train de tourner, Michael. J'ai rassemblé les infos importantes sur ce CD au cas où il m'arrive quelque chose. Michael ! Prends 6 classeurs. Il contient le rapport de Björk de 91 et une correspondance entre Björk et Teleborian sur le cas de Lisbeth. Tu en fais une copie et tu envoies les originaux à Boublanski. Avec ça, ils comprendront. Moi, je dois prendre le train pour Göteborg dans 20 minutes. Faut que je retrouve Lisbeth avant la police. Elle m'a sauvé la vie. Je lui dois bien ça. Michael ! À plus tard. Je t'en supplie, Michael. Sois prudent. Allô ? Boublanski ? C'est Michael. Qu'est-ce que tu veux ? Ça t'intéresse de savoir qui a tué Dag, Mia et Burman ? Si tu détiens les informations, tu as plutôt intérêt à me les donner. Ronald Niedermann, allemand, 35 ans. C'est lui l'assassin. Il travaille pour Alexander Salachenko, alias Salah. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Ça, je sais pas encore. Dès que je sais, je te préviendrai. D'ici là, Erika Berger va te faire parvenir un rapport de police datant de 91. Tu y trouveras plein d'informations sur Salachenko et Lisbeth Salander. Du genre ? Salachenko est le père de Lisbeth. C'est un barbouze russe passé à l'ouest qui a travaillé pour notre police secrète avant de se livrer à toutes sortes de trafics. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, je sais, ça paraît difficile à croire. Mais toutes ces années, la SAPO a couvert les activités criminelles de Salachenko. Passe me voir. Il faut que tu fasses une déposition formelle. Non, je suis pas à Stockholm. Je te fais signe dès que j'ai trouvé Salachenko. Mais tu le prends pour qui, Blomqvist ? C'est à la police. Allô ? Salut, petite sœur. Michael, je suis contente de t'entendre. Je vais sans doute avoir besoin d'un bon avocat dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui se passe ? Je risque de me faire arrêter pour entrave en enquête judiciaire ou un truc dans ce goût-là, mais je t'appelle pas pour moi. Tu ne pourras pas me défendre. Pourquoi ? Parce que tu seras chargé de la défense de Lisbeth Salander. Si je comprends bien, t'es en train de tout décider à ma place. Et dis donc, c'est pas toi qui étais fâché parce que j'avais pas demandé ton aide quand j'en avais besoin ? Là, tu me demandes de t'aider, mais pour quelqu'un d'autre. Lisbeth ou moi, c'est pareil. Bon, je te rappelle bientôt. Oh, bah d'accord. Hé, je t'aime, petite sœur. Et une étable à 100 mètres. Ferme isolée. Un seul étage. Ça aurait pu être pire. Les jumelles. quelques ombres à travers les rideaux. Double serrure de sécurité sur la porte. Et elle n'est pas fermée. Ça ne colle pas. Papa ne laisse pas les portes ouvertes. Ils sont tous les deux dans la pièce à gauche de l'entrée. Surveillez-la bien, hein. C'est une petite garce. Salut, papa. Je la connais. Comme si je l'avais faite. Monsieur, vous désirez ? Bonjour, je vais prendre un café, s'il vous plaît. Oui. Et la du lait ? Oui, s'il vous plaît. Et un petit pain aussi, merci. D'accord. Voici. Tenez. Merci. Pourquoi on s'arrête ? Aucune idée. Désagrément et vous tiendrons informés du retard occasionné. Manquez plus que ça. Tu me déçois, ma fille. Comment t'as pu penser que je laisserais ma maison sans protection? T'as déclenché presque toutes les alarmes. Détecteur de mouvement. Évidemment. 2 pour le chemin d'accès et 4 pour le pré. Caméra infrarouge aux endroits stratégiques. On t'observe depuis 2 heures. Tu me prends pour qui? Un débutant? Reste où tu es. Je n'ai plus qu'une seule main valide, grâce à toi. Mais je sais encore bien m'en servir. C'est quoi cet anneau dans le nez? On dirait une pute. T'as vraiment une sale gueule, ma fille. Mais tu as mes yeux. Dis-moi. Ça fait mal? Ma prothèse à la jambe? Non. Plus maintenant. J'ai pensé à toi pendant toutes ces années. Je pense à toi à chaque fois que je me regarde dans une glace, en voyant mon visage brûlé, mon oreille fondue. T'avais qu'à laisser maman tranquille. Ta maman. Ta mère était une putain. C'est faux. Garde tes illusions si ça te fait plaisir. Crois ce que tu veux. Moi, je sais que c'était une pute. Elle s'est arrangée pour tomber enceinte. Elle a tout fait pour qu'on se marie. Comme si j'allais me marier avec une pute. La brique de l'air remplie d'essence. C'était futé pour une gamine de 12 ans. Je t'en ai voulu au début. Mais après, tout ça s'est dissipé dans ma tête. Tu valais pas la peine que je m'excite pour toi. Si t'avais pas mis ton grain de sel, je t'aurais foutu la paix. Tu mens. Burman t'a engagé pour m'éliminer. Non, ça n'a rien à voir. C'était les affaires. Il voulait récupérer un film que tu possèdes, et moi, j'ai un business à faire tourner. Et tu pensais que j'allais te refiler le film? Mais oui, ma chère fille. Je suis persuadée que tu l'aurais fait. Tu ne devines pas comme les gens deviennent coopératifs quand Ronald leur demande quelque chose. Surtout quand il prend sa tronçonneuse. Rassure-toi, on n'a pas l'intention de te découper en morceaux. Dis-moi, Burman t'a vraiment violé? Oh, eh ben putain, quel goût de chiottes il avait celui-là. Il paraît que t'es Gwyn. J'ai lu ça dans le journal. Ça m'étonne pas. Je devrais peut-être demander à Ronald de te baiser. Mais Ronald ne baisse pas les filles. C'est pas qu'il est pédé. Il baisse pas. C'est tout. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Non. Ce serait pervers. Et ta sœur? Qu'est-ce qu'elle devient? J'en sais rien. Et je m'en tape. Et l'amour fraternel, alors? Camilla a toujours été celle qui avait quelque chose dans le crâne, alors que toi, t'étais bonne à foutre à la poubelle. C'est Ronald qui a tué Burman? Oui. C'est un parfait petit soldat. Il obéit aux ordres et en plus, il prend de bonnes initiatives quand il le faut. Où t'es allé le chercher? Bon, je croyais que t'avais compris. J'ai entendu dire que t'étais une bonne enquêtrice. C'est n'importe quoi. Ronald s'est occupé de moi après ton petit feu de joie. On a monté une affaire ensemble, une petite entreprise florissante. T'as toujours pas deviné. C'est ton frère. Quoi ? Ton demi-frère, plus exactement. Le fruit d'une partie de jambes en l'air au cours d'une mission en Allemagne. T'as fait ton fils un tueur. Je l'ai encouragé à exploiter tout son potentiel. Il sait qui je suis? Oui. Mais ne t'attends pas à réveiller sa fibre fraternelle. C'est un sentiment qu'il ne connaît pas. Je suis sa seule famille. Et toi... Tu n'es qu'un vague bruissement au loin. Pourquoi vous avez tué Burman? C'était un con qui avait un grave défaut. Il connaissait mon passé. Ce journaliste Svensson, Dag Svensson, l'a appelé quand Ronald était chez lui. Bjørnman a été pris de panique et a complètement disjoncté. Ronald a été obligé de réagir vite et bien. T'imagines pas notre surprise quand la police a commencé à te traquer pour les meurtres. Un coup de bol monstrueux. T'avais laissé tes empreintes sur le flingue de Bjørnman. Comment est-ce que tu m'as trouvé ? La boîte postale. Merci pour l'info. Je réparerai cette erreur. T'auras pas le temps. T'as fait trop de conneries. La police va vite te retrouver. Oh, j'ai peur. Björk m'a appelé hier pour me prévenir qu'un journaliste de Millennium avait compris toute l'histoire. On s'occupera de lui. Il y en a plein d'autres qui ont compris. Tu vas te faire choper. Et alors ? J'ai tué personne. Regarde-moi. Un pauvre vieillard handicapé. Comment veux-tu que je tue quelqu'un ? Il y a des preuves que je suis mêlé à tout ça. Et comme c'est la police secrète qui t'a enfermé chez les fous, ils vont pas commencer à tout déballer. Peut-être même qu'ils s'arrangeront pour effacer les traces. Ils ont toujours adoré me rendre service. Ils ont repéré Ronald. Pas grave. Demain, il part en vacances à l'étranger pour quelques mois. Non, vraiment, t'inquiète pas, tu resteras le suspect numéro un. Mais personne ne te trouvera. D'ici là, tu auras disparu, volatilisé. Plus de Lisbeth Salander. C'est bon. Allez, Ronnie. On a assez perdu de temps. Tu veux venir ? Il y a pas mal à marcher. Je vais surtout pas rater ça. Va me chercher ma veste. Lisbeth, après toi. Ladies first. Je vais vous tuer. Tous les deux. Allez, tiens. C'est pas possible, ma chérie, mais je te félicite. Tu restes optimiste. C'est un autre de nos points communs. Allez, viens. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 14e épisode avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Pauline Moulin, Malou Eriksson, Marie Payen, Erika Berger, André Marcon, Yann Boublanski, Emeline Bayard, Annika Giannini, Philippe Lofredo, Alexander Salatchenko, Jochen Hegele, Ronald Niedermann. Et les voix de Niki Lesko, Pierre-Stéphane Montagnier, Brice Berrier et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.